Ça, c'est d'abord. C'est d'abord sur Génération. Génération. Voldemort, faut que tu saches que l'on n'a rien à peur. Je ne baisse les yeux que devant mon père. Il me regarde, il pense que j'ai changé. Mais mes jambes tremblent toujours quand je vois des perles. Génération. Pour eux c'est très inquiétant. J'arrive et je suis bien préparé. C'est les mamies trafiquants qui envoient des boîtes dans tout Paris. Frérot, on fait pas semblant. J'achète la dernière Bulgarie sans bouteille le jour de l'an. Attends, y'a mon équipe qui arrive. Oh oui, mon Dieu, j'ai souffert. Aujourd'hui, je peux me venger. T'sais qu'il faut un 6 pieds sous terre. Il sera trop tard pour me changer. Faut avoir de l'ambition. Chez nous, le bif se fait tôt. Arrête de faire le mec, t'es débordé avec un verre d'eau. Génération. Avec un verre d'eau. En effet, je t'ai niqué ta mère. Je te vois plus dans le rétro. Regardez les statistiques, je les juge. Personne n'est content. On prend tes balistiques, il n'y aura rien pour tous ces pantins. Blah. Les mains de la rue, moi qui les représente. Salope. Fini les bagarres, fini les désordres. Salope. Faut des millions avant qu'on nous enterre. Les rappeurs sont mignons, me laissent des commentaires. J'vais leur donner la carte de la vieillesse. Salope. La rue m'a pris mon cœur, ni que ma jeunesse. Salope. Dans les enfers, j'ai ma place en attente. En attendant, faut qu'on parle de la tête. En attendant, faut qu'on parle de la tête. Ils ont trouvé l'ADN dans la texte. Faut que je fasse mes affaires, que je me casse. Un calibre 40 000 dans la veste. Faut une grosse charrette, la bébé j'arrive. Bébé, j'suis dans la banque, fais une clope et j'arrive. Nique ta grand-mère, j'm'en fous si ça rime. Faut tout niquer, comme les Fessari. Bonne qualité, avoir un compte comme celui d'Alidé. Tous les mecs qui se font fumer, comme si baveux c'est qu'une modalité. Mentalité, très solide et bien organisée. Faut que t'arrêtes de faire le beau, t'es qu'une salope vandamisée. Tout l'hiver en cellule, j'fume du shit, il va falloir que mes rails ramènent à 100 grammes. Et ma bouteille au prochain parloir, j'vois qu'en face ils se mettent à douter. J't'avais dit qu'il fallait m'écouter, toi qui croyais manger dans le rap, t'auras que ma bite à goûter. Oh, des salopes, les mains de la rue, moi qui les représente. Fini les bagarres, fini les descentes. Salope, salope, faut des millions avant qu'on nous enterre. Les rappeurs sont mignons, me laissez commenter. Bande de salope, j'vais leur donner la carte de la vieillesse. Salope, la rue m'a pris mon cœur, nique ma jeunesse. Salope, salope, dans les enfers j'ai ma place en attente. Bande de salope, en attendant faut qu'on parle de la tête. Génération. Tu penses à nos thunes, Robert. Dehors la vie est dure, Robert. Des grosses sommes, on a l'habitude, Robin. Les petits de la tête éclatent de bitume. Voldemort, faut que tu saches que l'on n'a rien à peur. Je baisse les yeux que devant mon père. Il me regarde, il pense que j'ai changé. Mais mes jambes tremblent toujours quand je vois des pères. Du son pour les meilleurs. Tout le monde a des meurs. On respecte tout le monde. La parole d'un homme vaut mieux que les dollars. Je suis de ceux qu'on les gros. T'inquiète pas pour le bise, on est pro. J'm'en sens pas sur le trône. Frère ou dans mon équipe, on est trop. Bande de salopes, les mains de la rue, moi qui les représente. Salope, fini les bagarres, fini les descentes. Salope, salope, faut des millions avant qu'on nous enterre. Les rappeurs sont mignons, me laissez commenter. Bande de salopes, j'vais leur donner la carte de la vieillesse. Salope, la rue m'a pris mon cœur, niqué ma jeunesse. Salope, salope, dans les enfers, j'ai ma place en attente. Génération.